Donc on enchaîne tout de suite avec le gros vent du jour. Et le gros vent du jour, alors juste pour dire, c'est que demain on va effectuer une espèce de palmarès du plus gros vent de la semaine. Mais on ne va pas vous en dire plus pour le moment, on verra ça demain. Le gros vent du jour nous vient de Shanghai. Il a été très légèrement ralenti enfin, afin d'en profiter au mieux. J'appuie sur la barre d'espace. Oui, maintenant tu appuies sur la barre. Oui, on se faisait des blagues en offline. Alors, très bien. Maintenant, on va passer à l'interprétation habituelle de ce gros vent, donc qui était le gros vent de Shanghai, et une interprétation toute fraîche par Loïs Castellano, a.k.a. Trophée Aban. Voilà, merci beaucoup Loïs, merci Trophée Aban, c'est toujours la grande classe. On se réjouit d'écouter le palmarès demain ainsi que les derniers vents. Il nous en reste deux. Pardon. Pour toute réclamation, vous pouvez envoyer un message au 077 485 83 38. Ou tout encouragement aussi, parce que on en a besoin aussi.